بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 15 dans le livre de Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Je ne sais pas si on devrait recommencer à 0, à 1, ou continuer avec la numérotation à partir du cours sur le mariage, parce que on a fini le chapitre du mariage avec 14 cours. Là maintenant on rentre dans Kitab al-Talaq, le chapitre au sujet du divorce. Est-ce qu'on repart à 1 et on va faire chaque chapitre individuellement, ou on continue avec la même numérotation? Donc je sais pas, je pense que peut-être c'est mieux de continuer comme ça jusqu'à la fin. Le chapitre qu'on appelle Kitab al-Talaq, c'est un chapitre ou c'est une partie du livre qui comprend plusieurs chapitres, plusieurs sections, plusieurs sous-chapitres si on veut. Et donc, qu'est-ce que je vais faire pour commencer? Je vais vous mentionner ces différents chapitres-là qui sont mentionnés dans cette section. Et puis après ça, on va commencer le premier de ces différents chapitres-là. Donc, Cheikh Al-Fawzan, dans son livre Al-Mulakhas Al-Fiqhi, dans Kitab Al-Talaq, on retrouve les différents chapitres suivants. Bab fi ahkam al-khulu'. Ahkam al-khulu'. Donc le premier c'est à propos des règles du khulu'. Deuxième fi ahkam al-talaq. Donc les règles du talaq. Troisième fi bab fi al-talaq al-sunni wa al-talaq al-bid'i. C'est-à-dire à propos des règles du talaq selon la sunna et du talaq innové, qui est en contradiction avec la sunna. Bab fi raj'a, c'est-à-dire quand quelqu'un a prononcé le divorce, il y a maintenant un autre chapitre qui explique maintenant raj'a, c'est-à-dire il a le droit de la reprendre, sa femme. Hein? Et c'est quoi les règles à ce sujet? Fi ahkam al-ila. Al-ila, c'est quand quelqu'un il s'écarte de ses femmes pour un certain moment, un certain nombre de temps, les règles à ce sujet-là. Ahkam al-zihar. Al-zihar, quand quelqu'un il dit par exemple, tu es comme le dos de ma mère, il dit ça à sa femme. Donc c'est quoi les règles à ce sujet? Fi ahkam al-li'an. Al-li'an, c'est quand quelqu'un il a trouvé par exemple sa femme en train de faire l'adultère et puis il n'a pas de témoin. Il n'a pas de témoin pour prouver pour montrer que sa femme a fait l'adultère, par exemple. Alors, il va faire al-li'an. On va expliquer les règles à ce sujet-là par la suite. Donc, après, babun fi ahkam luhuq al-nasab wa adam luhuqihi. Le chapitre au sujet des règles, quand est-ce que les règles par rapport au lien de parenté, quand est-ce que l'enfant est attribué au père ou non, ou des choses de ce genre. Et l'autre chapitre ensuite, c'est babun fi ahkam al-idda, c'est-à-dire les règles au sujet de la idda et les différentes formes de idda. Il y a différentes idda. La idda, par exemple, quelqu'un qui a divorcé sa femme qu'il ait habité avec elle ou qu'il ait été isolé avec elle. La personne qui la idda de la femme qui son mari il est décédé, la idda de la femme son mari l'a divorcé, la idda de la femme donc selon les différents cas il y a différentes sortes de idda, il y a différentes durées, hein, et ainsi de suite. La idda de la femme qui est enceinte et ainsi de suite, donc il y a différentes Edda, et on va apprendre les règles à ce sujet-là. Et après, c'est un chapitre, le dernier chapitre dans ce livre, c'est Al-Istibra. Kitab al-Talaq. Donc, Al-Istibra, c'est-à-dire prouver que le ventre de la femme a été, on sait qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a pas d'enfant. Donc, quand il y a eu comment on établit ça? Al-Istibra. Je ne sais pas comment traduire ça, mais lorsqu'on arrivera à cet endroit-là. Inch'Allah, je vous expliquerai. Ensuite, il y a d'autres chapitres qui sont reliés à ça, mais qui viennent après. Ahkam al-Rida' al-Hadana, Mawani' al-Hadana, Nafaqat al-Zawja, Nafaqat al-Aqarib wal-Mamalik. Donc les règles au sujet de l'allaitement, la garde des enfants, les choses qui empêchent la garde des enfants, l'allocation pour l'épouse et l'allocation pour les proches et les esclaves. Donc ça, ça fait partie des sujets aussi qui sont traités là, dans cette question, dans ce chapitre. Et ensuite, donc, après, c'est fini. C'est les règles qui restent à expliquer par rapport à ça. Donc, on va commencer tout de suite. Babun fi ahkam al-khulu', les règles au sujet du khulu'. Et au sujet du khulu', avant de commencer, juste expliquer un point, c'est qu'il y a beaucoup de femmes musulmanes, quand on leur parle du khulu', elles ont l'idée, ou on leur donne l'impression parfois, que le khulu', c'est le divorce de la femme. Alors que ça, c'est incorrect. Puisque dans l'islam, le droit de divorcer, ça appartient uniquement à l'homme. C'est uniquement l'homme qui peut divorcer. Et la femme, elle n'a pas le droit de divorcer ou le pouvoir de divorcer. Mais par contre, qu'est-ce qu'elle peut faire? C'est le khulu'. Et le khulu', c'est pas un divorce comme l'équivalent du divorce pour l'homme. C'est en réalité la femme qui va, disons, donner à l'homme quelque chose en échange pour que son mari la divorce. Hein? C'est-à-dire que, par exemple, comme on va l'expliquer, la femme, si par exemple elle n'aime pas quelque chose de son mari, ou il y a quelque chose qu'elle déteste chez son mari, puis qu'elle ne peut plus vivre avec lui, donc elle va dire à son mari, tu me laisses, et puis moi, en échange, je te donne le mahar que tu m'as donné, ou une somme d'argent sur laquelle ils vont se mettre d'accord. Et puis après ça, l'homme, il la laisse partir par rapport à ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle al-khulu'. Si le mari, par exemple, il refuse de lui donner le khul', de la laisser, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle peut imposer le divorce à son mari? Non, elle ne peut pas. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller voir le juge. Elle va aller voir un juge dans un tribunal musulman. Puis le juge, lui, va forcer ou imposer au mari de divorcer la femme. C'est ça, en fait, le khulu'. Et si, par exemple, une femme, elle dit à son mari, « Divorce-moi », ça, c'est pas une demande, ça, c'est pas un khulu'. Et c'est ça que beaucoup de femmes comprennent pas. Une demande de divorce de la part de la femme, c'est un divorce. Si par exemple, une femme dit à son mari, divorce-moi, et que son mari dit, d'accord, je te divorce, ça, c'est un divorce. C'est pas un khulu'. Mais beaucoup de femmes, elles comprennent pas ça. Elles pensent que c'est la même chose. Elles pensent que le khul', c'est que la femme, elle demande le divorce. Si la femme, elle prononçait divorce, par exemple, 100 fois, si la femme, elle dit à son mari, je te divorce, 1000 fois, ça ne va pas être calculé comme un divorce, parce qu'elle n'a pas le pouvoir ou le droit de divorcer. Le divorce, c'est exclusivement le droit de l'homme. Et ceci étant dit, on va commencer maintenant à lire les paroles de Cheikh Al-Fawzan et expliquer ce qu'il dit à ce sujet-là. Donc le cheikh il dit al-khulu' firaq az-zawj li zawjatihi bi'awadin bi'alfazin makhsusa summiya bidhalika li'anna al-mar'ata takhla'u nafsaha min az-zawji kama takhla'u al-libas li'anna kullan min az-zawjayn libasun lil-akhar qala ta'ala hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Donc le cheikh explique que al-khulu', c'est la séparation, oui. Kha, lam, ayn. Le verbe duquel on tire ce mot-là, c'est le verbe khala'a, yakhla'u. Khala'a, ça veut dire enlever. Quand tu dis j'enlève mon vêtement, tu dis khala'atu thawbi. Khala'atu thawbi. C'est-à-dire j'ai enlevé, j'ai retiré, hein, mon vêtement. Donc al-khul', ça veut dire retirer en réalité. Et la définition que le cheikh a mentionnée de al-khul', c'est la séparation entre l'époux et son épouse par une compensation. Par une compensation et avec des mots spécifiques. Avec des mots spécifiques. C'est quoi la définition de l'khul', Mohamed? Non, la définition, elle est légale. Parce que tu n'écoutais pas, tu es en train de passer du parfum. Au lieu de faire, d'écouter le dars, écoute, al-khul' firaq az-zawj li zawjatihi bi'iwad, hein, bi'alfaz makhsoosa. D'accord? Non, j'expliquais la définition linguistique. Là, maintenant, c'est la définition dans la religion. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans la religion, c'est un homme qui se sépare de sa femme par une compensation qu'il donne, hein, et en prononçant des mots spécifiques. Et on appelle cette chose-là, on l'appelle khul. Pourquoi? Parce que c'est comme si la femme, elle se retire elle-même de son mari comme on enlève un vêtement. Et étant donné que les deux époux sont un vêtement pour l'autre, hein, Allah dit dans le Coran, elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Hein? Donc, c'est comme si, hein, elle retire ce vêtement-là. Ça, c'est le verset 187 dans Surat al-Baqarah. Ensuite, le Cheikh al-Fawzan, il dit, وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الزَّوَاجِ تَرَابُطٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَعَاشُرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْتِجُ عَنْهُ بِنَاءَ أُسْرَةٍ وَإِنْشَاءِ جَيْلٍ. قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Donc il dit, parmi les choses qu'on connaît et les choses qu'on sait, c'est que le mariage, c'est une relation et un lien, hein, entre deux époux et une vie commune dans le bien, et qui a comme conséquence la construction d'une famille et l'éducation d'une génération. Et il mentionne comme à ce sujet-là le verset 21 dans Surat Ar-Rum, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et parmi ces signes, il y a qu'il a créé pour vous et de vous-même des épouses pour que vous viviez auprès d'elles en tranquillité, et il a mis entre vous l'amour et la miséricorde. Il dit, فَإِذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ هَذَا الْمَعْنَى مِنَ الزَّوَاجِ بِحَيْثُ لَمْ تُوجَدْ الْمَوَدَّةِ من الطرفين أو لم توجد من الزوج وحده وساءت العشرة وتعسر العلاج فإن الزوج مأمور بتسريح الزوجة بإحسان. قال تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال تعالى أو وإن يتفرقا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. Donc le cheikh, il dit, si on n'a pas pu réaliser cette signification dans le mariage de façon à ce que on retrouve l'amour et l'affection et la miséricorde des deux côtés, donc si on n'a pas réussi à trouver cette affection et cet amour de la part de l'homme et de la part de femme dans ce mariage-là, ou qu'on l'ait trouvé uniquement d'un des deux époux. Par exemple, la femme, elle aime son mari, mais son mari ne l'aime pas. Ou bien, la femme aime son mari, mais... Ou bien, l'homme aime sa femme, mais sa femme ne l'aime pas. Par exemple, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, dans ce cas-là, il y aura une mauvaise relation conjugale. Et quand le remède à ces problèmes-là deviennent très difficiles et compliqués, on n'arrive pas à une entente ou à une réconciliation, alors dans ce cas-là, l'époux, il est ordonné de laisser partir sa femme d'une manière qui est saine, avec ihsan, avec bienveillance. Le problème parfois, c'est qu'il y a des hommes qui sont rancuniers, orgueilleux, et quand ils constatent que leur femme, elle veut pas rester avec eux, ou bien que la vie, elle se sent pas bien avec son mari, eux, ils prennent ça d'une façon mal et ils veulent se venger de la femme. Alors ils vont mal agir envers elle et ils vont lui faire du tort. Hein? Ils vont essayer de chercher des moyens pour faire du tort à la femme, au lieu de faire que ce soit une séparation qui est faite avec bienveillance et avec bonté, hein, avec ihsan. Non, eux, ils veulent que ce soit douloureux et pénible. Allah al-musta'an. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit fa imsakun bima'ruf, c'est-à-dire si tu gardes ta femme, tu la gardes dans le ma'ruf, dans le bien, hein, d'une bonne façon. Et si tu décides de ne pas la garder et de la divorcer, alors tu la divorces, mais tu la divorces pas avec méchanceté ou la dureté, ou bien pour te venger d'elle, tu agis mal avec elle. Hein, non, tu la libères avec gentillesse, avec douceur, avec bienveillance, hein, avec compassion. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, At-talaqu marratan fa imsakun bima'ruf aw tasrihun bi ihsan, c'est le verset 229 dans sourate Al-Baqarah. Il dit, c'est soit la reprise conformément à la bienséance, selon les règles du bon comportement, ou bien une libération avec gentillesse et douceur, hein, bienveillance. Et dans l'autre verset que le cheikh a cité, le verset 130 dans Sourate An-Nisa, hein, c'est ça. Et si les deux se séparent, alors, Allah, de par sa largesse, accordera à chacun d'eux un autre destin, et Allah est plein de largesse et parfaitement sage. Donc le verset 130 dans Sourate An-Nisa. Donc ça, c'est très important, extrêmement important, parce que les choses qui ont fait qu'un homme et une femme vivent ensemble et qui sont avant tout des frères en islam, frères et sœurs en islam, parce que ils ont la foi, ils croient en Allah, hein, et ils doivent donc souhaiter et vouloir le bien l'un pour l'autre. Et donc même s'ils ne peuvent pas vivre ensemble, c'est-à-dire qu'ils ne s'entendent pas, ou ils n'arrivent pas à s'entendre, ça ne veut pas dire qu'ils doivent se séparer dans les conflits et les problèmes et les fitanes, et un qui cherche à venger l'autre ou à rendre la vie dure à l'autre pour se venger, hein? Donc ça, c'est pas correct. Et il dit wa amma idha wujidat al-mahabba min janib az-zawj wa lam tujad min janib az-zawja bi an karihat khuluq zawjiha aw karihat khalqahu aw karihat naqs dinihi aw khafat ithman بترك حقه فإنه في هذه الحالة يباح لها أن تطلب فراقه على عوض تبذله له تفتدي به نفسها لقوله تعالى فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. Donc le cheikh il explique et il dit que si par exemple on trouve de la part de l'époux de l'amour pour sa femme, sauf que on trouve pas la même chose du côté de l'épouse, c'est-à-dire que elle n'aime pas son mari, hein? Soit qu'elle déteste son comportement, soit qu'elle déteste sa façon, son apparence ou sa création, comment Allah l'a créé, elle l'aime pas, ou bien elle aime pas, elle déteste sa faiblesse dans la religion ou son manquement dans la religion, ou bien elle craint de faire un péché vis-à-vis de lui en ne lui obéissant pas, hein, ou des choses de ce genre, parce qu'elle craint qu'elle ne soit pas capable de lui obéir. Alors dans ce cas-là, il est permis pour elle de demander la séparation en donnant quelque chose en échange pour pouvoir se libérer de son mari. Hein? Et il mentionne le Cheikh à ce sujet-là, le verset 229 dans Sourate Al-Baqarah. Et le verset 229 dans Sourate Al-Baqarah, c'est le verset qu'on a lu tout à l'heure. Mais étant donné que le verset il est très long, il y a plusieurs phrases dedans. Donc il y a plusieurs règles dans le même verset. Donc ici, فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ. Si donc vous craignez que tous deux ne puissent pas se conformer aux ordres d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché si la femme se rachète avec un quelque bien. Hein, avec quelques biens, c'est-à-dire si elle rachète sa liberté en donnant au mari une somme d'argent quelconque, soit qu'elle va lui remettre son mahr, ou bien une somme quelconque sur laquelle ils se mettent d'accord. أي إذا علم الزوج أو الزوجة أنهما إذا بقيا على الزوجية لا يؤدي كل واحد منهما الواجب نحو الآخر فيحصل من جراء ذلك أن يعتدي الزوج على زوجته أو تخاف المرأة أن تعصي زوجها فلا حرج على الزوجة أن تفتدي نفسها من الزوج بعوض ولا حرج على الزوج في أخذ ذلك العوض ويخلي سبيلها. Donc le cheikh il explique par rapport au verset 229 qu'on vient de lire, il dit que il n'y a pas de mal, hein, lorsque l'homme et la femme, l'époux et l'épouse savent que s'ils vivent ensemble et continuent à rester ensemble, ils ne vont pas être capables de respecter leurs obligations vis-à-vis de l'autre, hein, et qu'ils vont ne faire que s'entre-déchirer et se détruire l'un l'autre s'ils restent ensemble. Parce qu'il y a des cas comme ça, des couples, ils ne peuvent que se détruire l'un l'autre quand ils sont ensemble. C'est comme si on dirait qu'ils sont comme des chiens et des chats. Hein? C'est comme un chien et un chat qui sont ensemble. Donc quand ils sont ensemble, ils ne font que se disputer, se crier dessus. Et parfois, peut-être, ça peut aller jusqu'au coup. Ça peut être même devenir physique parfois. Alors, dans ce cas-là, c'est dangereux pour eux de rester ensemble. Peut-être que s'ils vont rester ensemble, ça va finir mal. Peut-être que ça va finir mal pour la femme. Peut-être que ça va finir mal pour l'homme. Peut-être que ça va finir mal pour les deux. Soit qu'un des deux, ils vont finir en prison. Ou bien, ils vont commettre des péchés l'un envers l'autre. Donc, est-ce que ça c'est une situation qui est acceptable en islam? Non. Parce que déjà par rapport à notre religion, de façon générale dans la vie de tous les jours, si un autre musulman te fait du tort, c'est pas correct. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Al-muslimun man salim al-muslimun min lisanihi wa yadihi » Les musulmans, ou bien plutôt le musulman, al-muslim, man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. C'est-à-dire, le musulman, c'est celui dont les autres musulmans sont épargnés de sa langue et de ses mains. D'accord? Donc ça, c'est de façon générale, entre les musulmans, entre eux, ils doivent pas se faire du tort, ni physiquement, ni verbalement. Donc si c'est le cas pour les musulmans en général, que dire d'un homme avec sa femme? Donc si, quand ils sont ensemble, ils ne savent que se faire du tort l'un l'autre, alors ça c'est inacceptable. Surtout qu'on sait que un des buts et des objectifs du mariage, c'est de vivre dans la tranquillité, hein, et de vivre dans le calme, hein, et de pouvoir avoir cette sakina, hein. Comme Allah il le dit dans le verset, litaskunu ilayha, hein, et pour ressentir cette mawadda et cette rahma. Hein, tu ne peux pas la ressentir, excepté si yani, tu as une harmonie dans ton couple avec ta femme, dans ta maison. Et surtout s'il y a des enfants aussi, Hein? Les gens ils disent, oh, moi je reste avec la femme parce que j'ai des enfants, c'est pour ça que je patiente. Si j'avais pas d'enfants, ça serait la différence, je l'aurais divorcé. Yani, subhanallah. Et ça, cette excuse-là, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce que peut-être que tu dis, je vis avec elle, avec des enfants. Ça, c'est dans la condition que tu vas respecter tes engagements, que tu vas respecter tes devoirs, que tu vas respecter la femme avec ta langue et elle, elle va te respecter en retour, que vous allez vivre hein, un bon mariage. Et là, vous dites, on veut rester avec les enfants. Les enfants, ils ne vont pas vous voir disputer tout le temps, crier tout le temps, lancer des insultes tout le temps. Hein? Parce que sinon, les enfants, ils voient ça, c'est extrêmement mauvais pour eux. Il y a beaucoup d'enfants qui ont grandi comme ça, ils ont vu leurs enfants, leurs parents qui se disputaient tout le temps. Plus tard, ils ont dit, moi, je ne veux pas me marier. Hein? Les filles, elles disent, non, moi, si elles ont vu leur père qui battait leur mère tout le temps, mais moi, je ne veux pas me marier, un homme qui va me battre. Et il y a beaucoup de filles même, des filles musulmanes, Allah al-Musta'an, même il y en a parmi elles, elles disent, oh, moi, je ne veux pas marier un musulman, je veux marier un kafir. Hein? Parce que les hommes musulmans, ils vont hein, faire ci, ils vont faire ça. Parce qu'elles ont l'idée, cette idée-là, d'où est-ce que ça leur vient? Ça leur vient de leur part. Hein? Même si ça n'a pas rapport avec la pratique de l'islam, parce que beaucoup de pères ou de ces parents-là, ce n'est pas des religieux, nécessairement. Hein? Il n'a pas un poil de barbe, hein? Il ne va jamais à la mosquée, il bat sa femme. Hein? Aussitôt qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il la frappe. Hein? Mais, comme on dit, somehow, hein, d'une façon quelconque, cette image-là ou cette idée-là de l'homme qui bat sa femme, ça a été rattaché au musulman qui a la barbe. Donc, même des fois, des femmes musulmanes, si elles voient un homme qui vient les demander en mariage qui a une barbe, elle a peur. Elle s'imagine que c'est lui le danger. Oh, lui, là, il va m'enchaîner, il va me frapper, il va me battre. Hein, je ne pourrai plus rien faire, je ne pourrai plus respirer. Alors que souvent, les hommes qui sont comme ça, c'est ceux justement qui n'ont pas un poil de barbe, qui s'habillent à l'occidental, et que tu dirais, hein, c'est des gens qui sont libres, hein, libérés, c'est des gens modernes. Mais ça, c'est juste l'apparence. À l'intérieur de leur tête, hein, il y a des idées torsionnaires. Ces gens-là, c'est des gens sans pitié, sans gêne. Ils sont des extrémistes dans leur tête. Ils n'ont aucune rahma pour la femme. Tandis que le musulman qui est salafi, qui connaît sa religion, qui connaît les limites de l'islam, et qui connaît les limites de la charia, et qui connaît les droits de la femme, et qui connaît les droits hein, de l'homme, et qui connaît les règles de sa religion et qui les respecte, hein, lui, il va pas agir de manière injuste envers sa femme. Effectivement. Donc c'est ça. Mais c'est ce que je dis. Tu vois, eux, ils vont voir, par exemple, si sur par exemple, 1000 musulmans qui ont la barbe, il y en a un qui agit mal, ils vont mettre la réputation sur tous les autres. Alors que s'il y en a 1 million qui a pas de barbe et qui frappe leur femme, hein, c'est comme si ça passe, parce qu'ils vont dire, ah, mais ça c'est comme ils sont tous comme ça. Hein? Puisque étant donné qu'ils sont pas, ils se distinguent pas, tout le monde est pareil, hein? Donc ils peuvent pas distinguer lequel d'entre eux qui fait ça. Combien il y a de koufars qui battent leurs femmes, plein, hein? Que ce soit des Québécois, que ce soit des Français, que ce soit des Italiens, que ce soit des Grecs, des Portugais. Il y en a dans tous les peuples, il y a plein de koufars, ils battent leurs femmes, plus même que des musulmans. Hein? Oui, exactement. C'est psychologique et c'est physique et sur tous les plans. Non, mais même physique, ça existe encore ici. Moi, l'autre jour, je voyais ça dans les journaux. Un Québécois qui battait sa femme. Sa femme est partie dans un centre d'hébergement pour femmes battues. Il l'a retrouvée là-bas, il est rentré avec un fusil, il a vidé son chargeur sur elle. Oui! Ça, c'est arrivé il y a des années en arrière, je me rappelle. Donc, c'est pour dire que, ça, c'est des koufars qui font ça, c'est pas des musulmans. Et des gens comme ça, c'est comme des gens qui contrôlent. Je me rappelle, il y avait une fille que je connaissais au secondaire qui était du Bangladesh, hein, et elle était tombée amoureuse avec un kafir italien, subhanallah. Il la contrôle dans tout. Qu'est-ce qu'elle fait de toute sa vie, hein? Ma'nam, c'est comme, moi je ne savais pas qu'elle était mariée avec ce gars-là ou qu'elle vivait avec ce gars-là, parce que je me rappelle, elle c'était la petite sœur d'une fille qui était dans la même année que moi. Son casier était dans le casier à côté du mien. Et je me rappelle que quand je m'étais converti, j'ai su qu'elle était musulmane aussi. Bon, après, je savais que sa sœur était plus petite. Bon, plus tard, je l'ai vue, puis elle m'a dit que elle aurait voulu que je parle avec son chum ou quoi, là, je sais pas, son copain, pour que je lui parle de l'islam. Donc elle m'a donné le numéro de téléphone pour que je parle avec lui. Et quand je l'ai appelé, eh ben, yani, subhanallah, j'ai été choqué, yani, parce que je savais pas qu'elle vivait avec lui. En tout cas, c'est toute une histoire de fou. Mais pour dire qu'à la fin, il a pris le téléphone et il a dit, laissez-nous tranquille, on veut rien savoir. Et des choses comme ça. J'ai dit, subhanallah. Alors que c'est des gens qui essaient toujours de montrer l'image qu'ils sont ouverts avec les femmes, ils sont libres, hein, et ils ont l'idée que la femme elle est l'égale de l'homme et qu'elle a toute la liberté et les mêmes droits et tout et tout. Mais dans la réalité, c'est pas du tout comme ça. Dans la vie, la concrète, la réalité de comment ces gens-là, ils vivent en Occident. Et l'image qu'ils laissent paraître de la liberté, dans les faits, c'est pas du tout la réalité. Hein? Ils sont tyranniques. Hein? Allah al-Musta'an. Et donc, il faut pas se laisser tromper par l'apparence dans ces choses-là. Qu'est-ce que je voulais dire, c'est que, comme le cheikh il explique ici, il dit, si tu vois que, par exemple, le fait que les époux ils vont rester ensemble, ils vont vivre ensemble, ils vont se causer plus de tort, hein, et ça va leur faire du mal, ils risquent même ça peut même les amener à la prison ou à d'autres maux, même parfois peut-être une femme, si elle vit dans une situation comme ça, parfois, où c'est oppressant pour elle, elle peut même tomber dans le coffre, quitter la foi à cause de ça. Combien de femmes, quand elles ont eu des problèmes avec leur mari, par la suite, elles ont non seulement quitté la maison, mais elles ont abandonné la religion au complet après. Hein? Elles ont cessé complètement la pratique. Et tu vois qu'elle quitte son mari, elle enlève son hijab, elle enlève son jilbab, elle enlève ça, tout. Elle arrête de faire la salat, elle arrête tout. Donc ça, c'est pas normal. Hein? C'est sûr que si tu étais avec un homme injuste ou un homme qui te traitait mal ou qui agissait mal avec toi, ça c'est une chose. Hein? Mais de là à aller choisir le mauvais chemin et de vivre dans la vie d'une vie d'égarement et de t'en aller vers l'enfer à cause d'un homme et de comment il t'a maltraité, ça c'est quelque chose qui est pas raisonnable dans ce cas-là, parce que là c'est ton au-delà que tu perds, hein? Et si tu as subi du tort par exemple de la part d'un homme, pareil, si une femme elle a été maltraitée par un homme et que elle a enduré beaucoup de mauvais traitements dans cette dunya, Allah subhanahu wa ta'ala il va lui expier de ses péchés à cause de ça, hein? Et il va lui donner une récompense pour tout ce qu'elle a subi dans l'au-delà à cause de ça. Mais disons, les hommes injustes de notre époque, c'est rare parce qu'avec les droits de la femme, aujourd'hui, si un homme dit une petite chose à sa femme, oui, elle le poursuit. Les lois, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'injustice. En tout cas, je sais pas, mais les gens ils oublient vite l'histoire. Et moi, je, par exemple, je peux dire qu'on est, on est ici, par exemple, au Québec, les gens ils pensent ah, la femme, elle est libre et tout et tout. Et il y a quelques années en arrière, pas longtemps, hein, peut-être même 40, 50 ans en arrière, peut-être un peu plus encore, les choses étaient totalement différentes ici. Les hommes ici, ils avaient, c'était les chefs de la famille. La femme au Québec, elle pouvait même pas signer son propre chèque. Si elle allait à l'hôpital, c'est son mari qui devait signer pour elle. Tout ce qu'elle voulait faire, c'était seulement son mari qui pouvait lui permettre de faire ça. Si elle voulait ouvrir un compte de banque, c'est son mari qui devait signer pour elle. Ça fait même pas longtemps. Ça fait pas longtemps. Bon, le vote, ça c'est quelque chose qui est quand même récent, même pour les hommes. Donc ça me fait toujours rire quand ils disent « Ah, la femme, elle n'a pas eu le droit de vote » ou « Elle a eu le droit de vote en telle ou telle année » alors que si tu leur demandes « En quelle année l'homme, il a eu le droit de vote ?» C'est peut-être 10 ans avant. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, un des problèmes aussi, c'est à cause de l'ignorance de la majorité des femmes des règles de leur religion. Et donc, étant donné que d'un côté, elles ignorent leur religion, d'un côté, elles ne cherchent pas la science, et d'un autre côté, les hommes profitent de leur ignorance aussi, certains hommes profitent de cette ignorance-là, et justement, ils ne vont pas les encourager ou les inciter à l'apprendre, puisque beaucoup d'entre eux, eux-mêmes, sont ignorants. C'est comme tu dis, hein, l'éducation et l'apprentissage de l'islam, ça ne se limite pas juste à mémoriser quelques sourates dans le Coran. Et la plupart des musulmans, malheureusement, pour eux, l'éducation islamique, ça se limite à envoyer les enfants pour mémoriser sourate al-Fatiha, sourate Juz Amma, et une fois qu'ils ont mémorisé ça, ils s'imaginent que ça y est, ils ont fait l'éducation islamique de leurs enfants. Alors que la plupart de ces enfants-là, si tu leur demandes même la signification des sourates qu'ils ont mémorisées, ils ne sont pas capables de te les mentionner. Et la compréhension et la connaissance de la religion, de façon générale, ils ne l'ont pas parce qu'ils n'ont pas appris. Ils ont pris des cours de mémorisation du Coran, mais pas des cours de religion. Donc ils ignorent, ils sont dans l'ignorance totale de la réalité de l'islam. C'est comme une femme ignorante ici au Québec qui est toujours en train de parler mal sur l'islam et les musulmans, et à chaque fois quand elle parle au kuffar, elle dit « Moi j'ai fait l'école coranique ». Et elle pense que ça veut dire qu'elle a appris l'islam. Mais non, les Québécois ils savent pas non plus de quoi elle parle quand elle dit l'école coranique, l'école où on apprend le Coran. Non, c'est un endroit où les enfants vont pour apprendre les lettres de l'alphabet et qui apprennent par la suite à mémoriser des sourates. Et peut-être qu'ils vont apprendre rapidement les 5 piliers puis des trucs vraiment généraux de la religion, mais n'empêche que ça c'est pas suffisant. Et comme tu dis, effectivement, les femmes musulmanes et les hommes, les enfants à l'éducation, s'ils apprennent leur religion comme il faut depuis l'enfance, plus tard quand ils vont grandir, ils vont savoir comment respecter ces enseignements-là. Donc tout ça c'est pour dire, hein, c'est une responsabilité commune. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit wal-mu'minun wal-mu'minat ba'duhum awliya ou ba'd, ils sont les alliés les uns des autres. Donc ça veut dire que les hommes ils doivent s'entraider dans l'obéissance et dans la piété, et les femmes aussi, les femmes doivent aider les hommes là, dans cette voie là et si on respecte ça, Inch'Allah, on va être capable d'arriver à quelque chose. Mais il faut comprendre aussi une autre chose, et ça je le répète souvent aux frères, ça ne veut pas dire que parce qu'un homme est un bon musulman et qu'il est correct, et que la femme est une bonne musulmane et qu'elle agit correctement, que ça veut dire qu'ils vont nécessairement s'entendre entre eux. Tu peux trouver par exemple 2 personnes qui sont parmi les des bons frères, des bonnes sœurs individuellement. Elles ont des bons comportements, elles pratiquent la religion et tout. Mais tu les mets ensemble et ça, c'est comme si c'est une bombe à retardement. Hein. Ils ne peuvent pas se supporter. ne sont pas capables de vivre ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas compatibles. Et ça, ça peut arriver. Et il ne faut pas s'imaginer que c'est seulement par rapport au comportement ou à la religion seulement. Des fois, il y a d'autres facteurs. Et il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte là-dedans. Hein? Ça peut être physique, ça peut être biologique, ça peut être mécanique, ça peut être beaucoup de choses. Les gens, ils ne réalisent pas. C'est ça. Exactement. Yani, le prophète Sansom, il a dit Idhab fanzur ilayha. Donc, vas-y voir avant de marier la femme. Et ensuite, le cheikh, il dit Fala haraj. Donc, une fois qu'on a vu que les deux époux ne sont pas prêts à respecter les règles d'Allah l'un envers l'autre et que ils savent que s'ils reviennent ensemble ou s'ils vivent ensemble, ils vont continuer à transgresser l'un contre l'autre, hein, la femme elle a peur qu'elle va désobéir à son mari, hein, et le mari il sait qu'il ne va pas être capable de remplir ses obligations et de faire qu'est-ce qu'il doit faire, alors il n'y a pas de mal dans ce cas-là, il n'y a pas de péché dans ce cas-là pour la femme de se libérer de son mari en lui donnant quelque chose, une compensation ou quelque chose en échange, hein? Et il dit il n'y a pas de mal non plus au mari d'accepter cette compensation là ou cet échange là pour la libérer et pour la laisser partir. Il dit wa hikmatu dhalika anna az-zawja tatakhallasu min zawjiha ala wajhin la raj'ata fihi fa fihi hal adil lil ithnayn ويسن للزوج أن يجيبها حينئذ وإن كان الزوج يحبها استحب لها أن تصبر ولا تفتدي منه. Donc la sagesse dans ça, c'est que la femme elle va pouvoir se libérer de son mari d'une manière où elle ne pourra pas retourner avec lui. Il n'y a pas de raja possible, il n'y a pas de retour possible dans le khulu. C'est-à-dire qu'une fois que le khul a été accepté de la part de l'homme et qu'elle lui remet hein, l'argent que lui l'a demandé ou bien le mahr qu'il lui a donné, eh bien, elle ne peut plus retourner avec lui par la suite. Il n'y a plus de raja'a possible. Ce n'est pas comme le divorce. Le divorce, si le mari il prononce une fois le divorce, il dit « je te divorce », là, elle entre dans la période de idda, hein, c'est 3 mois. Puis pendant ces 3 mois-là, il peut la reprendre hein, et revenir avec elle. Tandis que dans le khul, non. Une fois qu'il accepte le khul et qu'elle lui remet son mahr, eh bien, la idda, ça va être une idda définitive. Et pendant cette idda, elle va être voilée de lui. Elle ne va pas s'isoler avec lui. Et ça dure un seul mois. Hein? Après ça, c'est la séparation. S'il veut se remarier avec elle, il doit faire un mariage, un nouveau mariage, comme si c'était la première fois par la suite. Tandis que le divorce ordinaire, eh bien, pendant les 3 mois, il peut la reprendre et elle continue de vivre avec lui et elle se voile pas en sa présence, elle continue la vie comme avant. Pendant cette période de idda, c'est différent de khul. Sauf si, bien entendu, le divorce était le 3e divorce qu'il avait prononcé et qu'après le 3e, elle ne peut plus revenir avec lui. Là, dans ce cas-là, c'est sûr que les règles vont être différentes parce que là, à partir de ce moment-là, elle va se voiler devant lui et ainsi de suite. Mais c'est ça, en fait, la différence avec la idda du khul et la idda du divorce, il y a des différences. Et de toute façon, on va parler de ça plus loin, puisqu'il y a un chapitre sur la idda et les différentes sortes de idda, on va en parler aussi. Mais vous voyez que quand on parle de ça, beaucoup de musulmans, ils ne connaissent pas les règles hein, du divorce, ils ne connaissent pas les règles du khul. Et donc, quand tu vois que des musulmans ils se divorcent, ils divorcent n'importe comment, de n'importe quelle manière. Et à la limite, quand tu dis, moi, si tu veux faire ton hajj, tu veux faire ta umrah, tu veux faire la salat, tu veux donner la zakat, qu'est-ce que tu fais avant? Tu l'étudies, tu apprends comment. Donc, le divorce, c'est la même chose. Hein? Le mariage, c'est la même chose. Donc, si tu ne sais pas comment divorcer, alors divorce pas. Hein? Va apprendre, va étudier les règles du divorce, pose la question au ulama. Écoutez, j'ai des problèmes avec ma femme, je ne sais pas comment les régler, et j'ai pensé au divorce. J'aimerais étudier les règles du divorce, comment ça se passe, comment ça doit se faire en islam, c'est quoi les règles de la charia pour que mon divorce soit valable et qu'il soit correct, hein, et que je le fasse de la bonne façon, selon le Coran et la Sunna. Alors là, tu apprends et tu étudies comme il faut, maintenant tu sais exactement ce que tu fais. Et c'est là que tu vas pouvoir le faire correctement. Hein? Mais si tu ne sais pas comment, et puis tu dis juste n'importe quoi et n'importe quelle façon, n'importe quand, n'importe comment, tu risques de faire des bêtises. Tu risques de le regretter à la fin. Hein? Tu risques de payer cher. Donc apprends les règles. Le cheikh, il dit, donc, lorsqu'il va faire le khul' avec sa femme, donc, il dit, il y a une solution juste pour les deux dans ça. Donc, si la femme, elle dit, bon, je te remets le mahar, donc lui, il accepte, s'il accepte ça, donc il accepte à ce moment-là. Et il dit, par contre, si l'homme, il aime sa femme, hein, c'est recommandé pour lui d'essayer d'être patient, hein, et de ne pas accepter directement le khulu', hein, et d'essayer de faire la réconciliation. Les ulama, ils essaient toujours d'encourager à la réconciliation et à la résolution des problèmes plutôt que d'encourager les gens au divorce, parce que le divorce, c'est une déchirure, hein, c'est une cassure, une brisure. Donc on essaie plutôt de réparer les problèmes que de les empirer ou de les briser. Mais si vraiment il n'y a pas d'autre solution, et si on voit que le fait de rester ensemble, ça risque de faire plus de mal que de bien, alors dans ce cas-là, on dit oui, ça c'est une solution. Et le cheikh, il dit wal khul'u mubahun idha tawaffara sababuhu alladhi ashartu ilayhi aw asharat ilayhi الآية الكريمة وهي خوف الزوجين إذا بقي على النكاح أن لا يقيم حدود الله وإذا لم يكن هناك حاجة للخلع فإنه يكره عند بعض العلماء وأنه يحرم في هذه الحال لقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة رائحة الجنة Rawahu al-khamsa illa al-nasa'i. Donc le cheikh, il dit, le khul' il est permis du moment que les causes sont présentes, hein? Les causes qu'on a mentionnées, qui sont indiquées dans le verset qu'on a cité tout à l'heure, dans le verset 229, c'est-à-dire qu'on craint que les deux époux, s'ils restent ensemble, ils ne vont pas être capables d'établir les limites d'Allah et les règles d'Allah. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de mal qu'il y ait un khul'. Il dit, mais si par contre il n'y a pas de besoin pour le khul', alors c'est détestable. Et selon certains ulama, c'est interdit de le faire dans ce cas-là, s'il n'y a pas de besoin, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute femme qui demande à son mari le divorce sans qu'il y ait de raison valable ou de cause valable, alors il sera interdit pour elle l'odeur du paradis. Hein, ça c'est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, selon Sauban. Donc ça c'est un exemple. Donc ça veut dire que il faut que ce soit une raison qui est valable. Il ne faut pas que ce soit juste une petite dispute. Parfois ça peut arriver. Un homme et sa femme, ils se disputent pour quelque chose, c'est pas tout de suite automatiquement qu'il y a un problème, une petite dispute ou un désaccord. Oh, je veux divorcer, je veux le talar, donne-moi le khul', des choses comme ça, hein? Non, mais des fois il y a des choses sérieuses, vraiment graves, un homme qui néglige les règles de la religion, respecte pas, fait pas la salat par exemple, ou bien un homme par exemple qui est toujours en train de parler avec d'autres femmes. Hein? Il a plein de filles avec qui il parle sur Facebook. Il parle avec plein de femmes sur WhatsApp. Sa femme est toujours en train de le trouver en train de chatter avec des filles. Alors, ça c'est pas correct. Hein? Et puis, elle lui dit, mais pourquoi tu parles avec ces femmes-là? T'as pas le droit de leur parler. Hein? Et lui, il continue quand même. Qu'est-ce qu'il dirait si sa femme parlait avec des hommes? S'il rentrait, il trouvait toujours sa femme en train de chatter avec des gars, hein, sur Facebook ou sur WhatsApp ou ailleurs. Hein? Qu'est-ce qu'il ferait? Est-ce qu'il accepterait ça? Donc si toi tu veux pas que ta femme parle avec des hommes, hein, et ça c'est haram, donc encore plus toi aussi tu dois donner l'exemple et tu dois pas parler avec des femmes. Parce qu'il y en a des gens, ils se prennent pour des playboys, tu vois, ils pensent que c'est des tombeurs. Ils ont le charme, ils savent parler avec les femmes, ils pensent qu'ils sont capables d'attirer toutes les femmes qu'ils veulent. Hein? Donc ils font une sorte de, comment je pourrais dire, c'est comme s'ils veulent montrer qu'ils sont capables d'attraper le plus grand nombre possible. A'udhu billah. Hein? Oui, comme un challenge. Non, ça c'est inacceptable, ça. C'est pas correct. Hein? Donc le musulman, il doit être chaste. Il doit s'écarter des tentations et des causes de tentations. C'est dangereux. Si tu joues avec le feu comme ça, tu vas te brûler. Reste loin de la fitna. Hein? Reste loin de la fitna. Va pas parler avec des femmes que tu vois, c'est comme on dit, la meilleure façon de sortir de quelque chose, c'est de ne pas rentrer. Si tu ne rentres pas, tu vas pas risquer. Mais si tu rentres, c'est là que tu risques. Hein? Donc le premier pas, ça commence avec le regard. Après, tu parles. Après, hein, le numéro de téléphone. Après, rendez-vous. Après, le haram. Donc une chose amène à l'autre. Hein? Donc coupe ça depuis le début. Hein? Parle pas avec des femmes qui sont pas des femmes avec qui tu n'as pas le droit de parler. Hein? Et écarte-toi des tentations et des fitanes. Le cheikh il dit ensuite, وإذا كان الزوج لا قال الشيخ تقي الدين. Cheikh Taqi al-Din c'est Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit خلع الخلع الذي جاءت به السنة أن تكون المرأة مبغضة للرجل فتفتدي نفسها منه كالأسير. Donc il dit le khul' qui est venu dans la sunna, qui est mentionné dans la sunna, c'est le khul' de la femme lorsqu'elle déteste son mari. Hein? Elle n'aime pas son mari. Elle vit avec lui mais elle ne le supporte pas. Elle ne l'aime pas. Hein? Donc elle se libère de lui comme un prisonnier. Hein? Et il dit وَإِذَا كَانَ الزوج لا يحبها لكنه يمسكها لغرض أن تمل وتفتدي منه فإنه يكون بذلك ظالما لها ويحرم عليه أخذ العوض منها ولا يصح الخلع لقوله تعالى ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. Donc il dit le cheikh, supposons que c'est l'homme qui aime pas sa femme, ok, sauf qu'il veut pas la divorcer. Parce qu'il dit, si je la divorce, je vais rien avoir en échange. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il agit mal avec elle. Il la traite mal. Pour qu'elle se décourage et pour qu'à la fin, elle se libère de lui en lui donnant quelque chose en échange. Donc, en agissant ainsi, il est injuste envers elle. Et dans des cas comme ça, c'est pas permis pour lui de prendre une compensation d'elle. Et même si elle demande le khul', c'est-à-dire ce ne sera pas correct. Il a commis un péché en étant injuste envers elle de cette façon-là. Donc ça c'est l'attitude de certains parmi les hommes qui sont malhonnêtes. Ils ne veulent pas divorcer la femme pour lui donner sa paix, hein, et son repos. Mais ils ne veulent pas non plus, yani, qu'elle parte comme, si, comme ça. Il veut quelque chose, il veut qu'elle souffre, il veut qu'elle paye. Donc il lui donne de la vie dure, il lui donne des problèmes. Hein? Il lui fait la vie dure. Alors, ça c'est pas correct. Et le cheikh, il dit, il cite le verset 19 dans Sourate An-Nisa. À ce sujet-là, on va lire la traduction. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset: et comportez-vous convenablement envers elle. Si vous avez de l'aversion envers elle durant la vie commune, hein, il se peut que vous ayez l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. Donc ça c'est le verset, mais ça c'est la partie du verset qui est après, qu'est-ce que le cheikh il a cité. Le début du verset, ça commence comme ça. Ne les empêchez pas. Attends, est-ce que c'est ça? C'est ça. Wala ta'duluhunna. C'est-à-dire, ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous leur aviez donné, à moins qu'elles ne viennent. Donc c'est ça. À moins qu'elles ne viennent commettre une turpitude, hein, ou un péché prouvé. Donc le cheikh il explique le verset en disant que, c'est-à-dire, hey, la tudarruhunna fil ishra li tatruk ba'd ma usdiqat ou kullahu. أو تترك حقا من حقوقها التي لها على زوجها إلا إذا كان عدله لها في تلك الحال لكونها غير عفيفة من الزنا ففعل ذلك ليسترجع منها الصداق الذي أعطاها جاز له ذلك لقوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: هذا في الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي به، فنهى تعالى عن ذلك ثم قال: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، يعني الزنا، فله أن يسترجع منها الصداق الذي أعطاها ويضاجرها حتى تتركه له ويخالعها. Le cheikh il dit donc qu'il ne doit pas lui faire du tort et vivre mal avec elle pour qu'elle laisse une partie de ce qu'elle a reçu comme mahar, ou tout le mahar au complet, ou qu'elle abandonne un de ses droits qu'elle a sur son mari. Donc il agit mal avec elle pour qu'elle lui donne quelque chose. Donc ça, c'est pas permis pour lui d'agir de cette manière-là, excepté si c'est à cause du fait qu'elle n'est pas chaste et qu'il a trouvé qu'elle l'a trompée ou qu'elle a fait le zina ou des choses comme ça. Alors il agit comme ça avec elle pour qu'elle lui redonne son mahar qu'il a donné. Donc ça, c'est le seul cas dans lequel c'est permis, puisque Allah il dit dans le verset: excepté si elles font une turpitude prouvée, quelque chose qui est clair. Et Abdullah ibn Abbas il dit à propos du verset 19 dans Sourate An-Nisa que ça c'est à propos de l'homme qui est avec une femme et qui n'aime pas vivre avec elle, et il lui a donné un mahar, et donc il agit avec elle d'une manière déplaisante pour qu'elle lui donne une compensation, hein, qu'est-ce qu'il a donné. Alors ça c'est à la base interdit, excepté si c'est à cause d'une turpitude claire et prouvée qu'elle a commise. Alors dans ce cas-là, il veut reprendre une partie de ce qu'est-ce qu'il a donné ou qu'est-ce qu'il lui a donné, et donc il agit avec elle comme ça pour qu'elle abandonne et qu'elle laisse, hein, le mahr qu'il lui a donné. Surtout dans des cas où l'homme il a donné un mahr énorme. Il y a des cas où la femme, par exemple, il lui a donné, par exemple, un gros mahar, hein, 50 000 dollars ou 100 000 dollars comme mahar ou des choses comme ça. Là, après, l'homme, il veut pas la laisser partir comme ça, hein, surtout s'il a trouvé en train de faire l'adultère ou la fornication ou des choses comme ça. Donc, il veut avoir quelque chose en retour. Donc, le cheikh dit: « Wa ad-dalilu ala jawaz al-mukhala'a عند حصول السبب المصور لها الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فالآية التي أسلفنا وهي قوله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به verset 229 dans Surat al-Baqarah. Le cheikh dit que l'épreuve de al-khul', c'est quoi l'épreuve? Que le khul' est légiféré lorsqu'il y a les causes qui le permettent. Eh bien, elles sont mentionnées, ces preuves, dans le Coran, dans la Sunna et dans l'ijma', le consensus. Et la preuve du Coran, c'est le verset 229 dans Surat al-Baqarah. Si vous craignez de ne pas établir les règles d'Allah, alors il n'y a pas de mal dans ce cas-là pour vous. Qu'elle donne quelque chose pour se yani, comme compensation pour se libérer. Et le verset, le hadith dans la Sunna à ce sujet-là, c'est le hadith de la femme de Thabit ibn Qais. Le Cheikh il dit: "Fi al-Sahih anna mra'at Thabit ibn Qais radiyallahu anhu qalat ya Rasul Allah ma a'ibu alayhi fi khuluq wa la din." لا أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام أي الكفران العشير المنهي عنه والتقصير فيما يجب له بسبب شدة البغض له فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة رواه البخاري. Donc le cheikh dit en ce qui concerne l'épreuve de la sunna, c'est rapporté dans le hadith authentique que la femme de Thabit ibn Qais, et vous savez que Thabit ibn Qais c'est un parmi les sahaba auquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis le paradis, il est parmi les mubashirin bil jannah, il ne fait pas partie des 10 mubashirin, mais il fait partie des mubashirin bil jannah. Ouais. Et par rapport à ça, c'était dans l'histoire de lorsque Allah a révélé le verset Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. C'est-à-dire n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète, hein? Et donc quand il a entendu le verset, Thabit ibn Qais, il a su qu'il avait une grosse voix, une voix forte. Alors il a eu peur que ses œuvres soient rendues vaines à cause de ça. Alors il a dit, je ne vais plus venir en présence du messager d'Allah. Il s'est enfermé chez lui, il ne sortait plus. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, où est-ce qu'il est Thabit ibn Qais? On ne le voit plus. Et alors il a envoyé quelqu'un chez lui pour aller demander pour lui. Et Thabit ibn Qais a mentionné l'explication, il a expliqué l'histoire. Le verset a été révélé, il faut pas, moi j'ai une voix forte, j'ai peur. Il est retourné voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, va lui dire qu'il sera au paradis. Et donc il est retourné, il lui a dit ça. Donc c'est pour dire, c'est un homme qui craint Allah, qui est pieux. Hein? Et malgré ça, regarde qu'est-ce qu'elle dit sa femme. Elle dit, ô messager d'Allah, je ne le blâme pas ni dans son comportement ni dans sa religion. C'est-à-dire, je ne blâme pas son comportement, il a un bon comportement envers moi. Je ne blâme pas sa religion, c'est quelqu'un qui craint Allah et qui respecte sa religion. Mais je déteste l'ingratitude dans l'islam. C'est-à-dire d'être ingrate envers mon mari et de faire des péchés à cause des manquements que j'ai, à cause de la haine que j'ai envers lui ou du fait que je ne l'aime pas. J'ai pas envie de vivre avec lui, je l'aime pas. Soit parce que elle le trouve pas beau, il est peut-être repoussant, elle l'aime pas, ou des choses de ce genre. Hein? Ça peut être pour une autre raison. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, il a dit à sa femme, est-ce que tu lui rends son jardin? Parce qu'il lui avait donné en mahr un jardin. Alors elle a dit oui. Alors il a dit à Thabit, accepte le jardin et divorce-la. Il l'a divorcé. Donc il lui a donné le khulu'. Et c'est ce hadith-là que les ulama utilisent comme référence pour justifier le mahar, le, pas le mahar, mais le khulu'. Et c'est rapporté par Al-Bukhari. En ce qui concerne l'ijma', hein, parce que c'est ça que je dis toujours aux gens. Les gens, souvent quand les gens ils parlent de khulu', la femme elle appelle ou elle dit j'ai demandé le khulu' à mon mari mais il refuse. Alors est-ce que je peux m'en aller? J'ai dit non. T'as demandé le khulu', s'il refuse, tu peux rien faire, à moins que tu, hein, si par exemple t'es dans un tribunal ou un pays musulman, il y a un tribunal musulman, là le juge va, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, accepte le mahr qu'elle te rend, puis divorce là. Donc là, il y a une autorité qui peut imposer le jugement ou le verdict. Hein. La cour peut utiliser son autorité pour imposer le verdict. Tandis que dans un pays de kufr, pays non musulman, il n'y a pas d'autorité dans ce sens-là, à moins qu'il y ait un tribunal musulman, comme c'est le cas par exemple en Angleterre ou dans d'autres pays. Ils ont, même dans des cas où il y a des arbitrages ou des tribunaux islamiques où les musulmans peuvent aller pour régler les questions de divorce et des choses comme ça selon les règles de la charia. Alors dans ce cas-là, c'est correct. Hein. Et c'est drôle, dans certains pays, par exemple, en France ou ici au Québec, par exemple, au Canada, ils refusent qu'il y ait ce genre de choses. Bon, l'arbitrage, il y en a toujours eu. Mais il y a des tribunaux, par contre, juifs, où les juifs peuvent faire leur divorce selon les règles de leur religion. Mais quand c'est les musulmans qui demandent ça, eh bien, parfois ils refusent de leur donner ce droit-là. Hein? Alors, c'est ça qui est incroyable. C'est une grosse contradiction. Même l'autre jour, je lisais dans un article de journal, le tribunal rabbinique de Paris, Yanni. Hein? Donc, ils ont, les juifs, leur tribunal, hein, juif, selon leur religion là-bas. Mais si les musulmans voulaient faire ça, hein, ils auraient dit « Ah, vous voulez pas venir appliquer la charia chez nous, dans notre pays hein? ?» Donc c'est ça, comme si on dit « deux poids, deux mesures ». C'est ça l'exemple. Et une chose que j'ai constatée aussi par rapport à ça, c'est que les chrétiens, déjà, vous savez que dans le christianisme, le divorce est interdit. Hein? Il n'y a pas de divorce dans la religion chrétienne. Quelqu'un qui est chrétien, qui s'est marié à l'église, il ne pourra jamais se divorcer à l'église. Les catholiques en particulier, ils peuvent uniquement se divorcer civilement. Et le divorce civil n'est pas reconnu par l'église. Ça veut dire que même s'ils sont divorcés civilement, selon l'église catholique, ils sont toujours mariés jusqu'à la mort. Donc ils ne pourront plus jamais se remarier à l'église par la suite. Et ça, c'est une différence entre le judaïsme et l'islam, et le christianisme. Parce que dans le judaïsme, il y a le divorce. Hein? Mais ils ne l'appellent pas divorce, les chrétiens. Ils l'appellent répudiation. Pour faire croire qu'il n'y a pas de divorce. Et c'est ça qui m'a toujours confus, en fait, c'est pourquoi ils interdisent le divorce alors que dans la Bible, il y a le divorce. Mais ils ont juste changé le mot pour faire croire qu'il n'y a pas de divorce. Ils l'ont appelé répudiation. Alors que c'est le divorce. Donc, c'est une religion qui est injuste, la religion chrétienne. Elle impose à un homme et à une femme de vivre ensemble, même s'ils se détestent, et même s'ils se rendent la vie insupportable l'un l'autre. Alors, l'islam, non. Il y a un bon sens dans cette religion, parce que elle est faite en accord avec qu'est-ce qui est en accord avec la nature humaine. Allah subhanahu wa ta'ala, il a tenu compte des réalités des problèmes et de la vie conjugale. C'est pour ça que Allah a permis qu'il y ait, dans les cas où il fallait, des divorces. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux. Et donc ça, c'est une des choses qui ont fait que dans le monde occidental, il y a eu beaucoup d'injustice à cause de ça, à cause de cette interdiction. Et quand on parle du divorce civil, là, ça c'est récent. Parce que dans le passé, il n'y avait pas le divorce civil même. C'était pas possible de l'obtenir. C'est récent que ça a été introduit dans leur loi. Parce qu'à la base, il n'y avait pas ça. Donc si tu étais marié, tu es marié jusqu'à la mort et c'est fini. Tu n'as plus d'autres. Exactement, barakallahu fik. C'est ça, c'est comme tu dis. C'est eux qui ont amené, qui ont presque comme qu'est-ce qu'ils appellent aujourd'hui la laïcité. C'est presque la religion catholique elle-même qui l'a forcé, cette laïcité-là, à cause de l'injustice de ses lois et de ses règles. Même le judaïsme, la même chose. Tandis que dans l'islam, les lois qui sont en harmonie avec la nature humaine, qui font qu'on n'a pas besoin de créer des lois différentes à celles que Allah a révélées. Hein? C'est ça la beauté, la grandeur de l'islam. Akhi, laisse tomber. Maintenant, ils ont permis deux hommes de se marier et deux femmes de se marier. Et maintenant, ils ont même permis l'inceste dans certains pays. Donc, c'est pour dire, yani, qu'est-ce que tu dis là? Comme on dit, eux, ils parlent de l'amour comme platonique. L'amour platonique, c'est-à-dire l'amour des âmes. C'est ça qui compte, ça qu'ils disent. Quand tu ouvres la porte à ça, maintenant, il n'y a plus de fin. Un homme qui était marié avec une femme, puis le mari qui a décidé de devenir une femme, donc elle a décidé de rester avec lui. Donc ils sont maintenant deux femmes mariées ensemble. Hein? Il y a plein d'exemples comme ça. Et il y a un frère qui m'a dit ça juste dernièrement, que son patron, c'est devenu une femme maintenant. Pas juste ça, mais c'est comme... il n'y a pas de doute. Non, je me rappelle, j'étais en secondaire 3, je crois, et dans mon cours de biologie, un cours de géographie, il y avait un professeur... Et tout le monde dans l'école disait que c'était un transgenre, hein, transsexuel et tout. Et tout le monde parlait, disait des choses. Bon, il avait des caractéristiques vraiment masculines, effectivement. Donc, c'était un petit peu ambigu, là. Et quand un jour, quelqu'un lui a posé la question dans la classe, eh bien, il a raconté toute son histoire. Il a raconté toute l'histoire dans le cours de géographie. Donc ce jour-là, on n'a pas fait de géographie. Et je me rappelle, j'étais pas musulman à l'époque, c'était à la polyvalente Henri Bourassa. Et puis après, quand il a terminé, j'ai dit, est-ce que tu penses que Dieu est d'accord avec ce que tu as fait? Et la réaction de la classe... qui m'ont condamné à l'unanimité. Qu'est-ce que tu racontes? Dieu n'a rien à voir avec ça. Les koufars, c'est pour eux, là, c'est comme tu fais ce que tu veux, la religion n'a rien à voir. Hein? Donc, non. Si la femme de nos jours dans certains pays, elle peut se marier avec un homme, alors, quand elle est enceinte, qu'est-ce qu'elle dit? Je suis enceinte d'un homme. نسأل الله العافية كالله نوز إبارني نسى جعل الشهر il a beaucoup d'imagination frère. Donc c'est ça la preuve de الجماعة الشيخ الزي وفقد قال ابن عبد البر hein? On a presque fini inshallah. Je vais essayer d'accélérer. وقال ابن عبد البر لا نعلم أحدا يخالف في هذا إلا المزني فإنه زعم أن الآية منسوخة بقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. أوكي. Il dit l'imam ibn عبد البر الأندلسي un des grands ulama parmi les salaf, parmi les ulama de l'Andalousie, il dit dans un de ses livres, il explique qu'il ne connaît personne qui a contredit au sujet de ce sujet du khulu. Il dit, excepté Al-Muzani qui est le compagnon de l'imam Shafi'i, Et lui qui a dit qu'il pensait que c'était un verset qui avait été abrogé par le verset 20 dans Sourate An-Nisa. Sauf que ça, c'est, bien entendu, c'est pas une opinion correcte. Donc il n'y a pas de contradiction sur cette position-là. Tous les ulama sont d'accord que l'khulu' fait partie de yani la sharia, que c'est permis lorsqu'il y a un besoin, et que yani ça c'est l'ijma, consensus. Après, le cheikh il dit wa yashtaritu li sihhati al-khulu' badl al-iwad mimman yasihhu tabarru'uhu wa an yakuna sadiran min zawjin yasihhu talaquhu wa an la ya'dulha bighayri haqqin hatta tabdhulhu wa an yakuna bilafdh al-khulu'. OK, donc on va traduire ça. Le cheikh dit, par les conditions pour que le khulu soit valide, il faut que ce soit donné, il faut qu'il y ait une compensation qui soit donnée en échange de la part de quelqu'un dont le don soit accepté et valide. C'est-à-dire, il faut que ce soit une personne qui est raisonnable, une personne qui a atteint la puberté, une personne qui n'est pas sous la contrainte. Personne qui est conscient, qui a son intelligence, sa raison. C'est-à-dire, il faut que le khul soit donné de la part d'un mari dont le divorce serait accepté ou valide. C'est-à-dire qu'il a toute sa raison, toute sa tête, et il n'est pas contraint à le faire. Et qu'il n'agisse pas mal avec sa femme en lui refusant le divorce pour la pousser à lui donner quelque chose en échange, et pour qu'elle lui donne quelque chose en compensation. Et il faut que le terme qui soit employé soit le terme de khulu', khala'tuka, ou quelque chose comme ça. Il dit, si le terme qui est employé au lieu du terme khulu', c'est un autre terme, alors ce sera un divorce. Comme si par exemple quelqu'un il utilise le terme du divorce, ou un terme qui fait partie des termes qui sont sous-entendus pour désigner le divorce avec l'intention, alors dans ce cas-là, ce sera considéré comme étant un divorce. Et donc cette partie-là, le cheikh il dit wa amma in kana bi lafdh at-talaq aw bi lafdh kinayat at-talaq ma'a niyyatihi fahuwa talaq wa la yamliku raj'ataha, il ne peut pas la reprendre une fois que c'est fait. Lakin lahu an yatazawwajaha bi 'aqdin jadid, il a le droit de la remarier par contre avec un nouveau contrat de mariage. Donc il devrait aller voir son père et la redemander en mariage, même si il était marié avec elle et qu'il avait des enfants avec elle. Ça c'est des fois il y a des gens qui sont étonnés de ça, c'est-à-dire ils connaissent pas les règles de la religion. Donc le père il voit le mari de sa fille qui vient demander sa main encore une fois. Donc et ici le père il connaît pas les règles de la religion, il dit mais pourquoi tu viens demander la main de ta femme. Il réalise pas qu'elle a fait le khulu'. OK. اذا لم يسبقه من عدد الطلاق فيصير به ثلاثا. اما ان وقع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء ولم ينوي طلاقا كان فسخا ولا ينقص به عدد الطلاق. OK. Donc il dit que si ça a été mentionné par le terme talaq et que c'est pas un nombre par lequel il devient le troisième divorce, alors dans ce cas-là il pourra se remarier avec elle. Si il a fait le khulu' avec le terme talaq, il pourra pas se remarier avec elle, excepté si elle s'est remariée, parce que si ça faisait le troisième divorce et qu'il a fait le khulu' en utilisant le terme talaq, ça va être calculé comme le troisième divorce, donc elle devra se remarier avant de pouvoir la remarier. Tandis que s'il l'a divorcée ou s'il a fait le khulu' avec le terme khulu' ou fasr ou fida et qu'il n'avait pas l'intention de que ce soit un divorce, mais que ce soit uniquement un khulu', alors dans ce cas-là c'est comme une annulation du mariage et c'est pas calculé dans le nombre des divorces qui avaient été prononcés préalablement. Hein? Donc, dans ce cas-là, il pourra se remarier avec elle avec un nouveau contrat par la suite, sans problème, même si elle n'a pas remarié quelqu'un avant. Et il dit وَرَدَ ذَلِكَ عَنِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَاحْتَجَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَذَكَرَ طَلْقَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ الْخُلْعَ ثُمَّ ذَكَرَ تَطْلِيقَهُ بَعْدَهُ فَلَوْ كَانَ الْخُلْعُ طَلَاقًا لَكَانَ رَابِعًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Donc le cheikh il dit que Abdullah ibn Abbas il a mentionné cet exemple là, il a utilisé comme preuve le verset 229 dans sourate Al-Baqarah, lorsque Allah dit le divorce est deux fois, donc soit tu la gardes ou soit tu la laisses, et il dit ثُمَّ قَالَ, ensuite dans le verset 229 par la suite il dit il n'y a pas de mal qu'elle, c'est-à-dire il n'y a pas de mal pour les deux qu'ils fassent le khul' si elle donne quelque chose en compensation pour se libérer de lui. Et il dit ensuite, puis dans le verset, ça dit par la suite le verset 230, et s'il la divorce, alors elle ne sera pas licite pour lui jusqu'à ce qu'elle se soit remariée après lui, un autre avec un autre homme. Donc il dit Abdullah ibn Abbas que Allah a mentionné les deux divorces en premier, talaq marratan, ensuite il a mentionné le khul', fi maftadat bih, puis il a mentionné un autre divorce après. Donc si le khul' était un divorce, ça aurait fait quatre. Donc ça c'est la preuve que al-khul' n'est pas calculé comme étant un divorce s'il est prononcé comme étant un khul'. Donc on l'additionne pas au nombre des divorces prononcés. Wallahu ta'ala a'lam. Ouais, si un homme il a prononcé trois fois le divorce, donc ça va être la idda, ça va être finale. Un homme qui peut plus la reprendre après. Donc là, après la idda, s'il voudrait la reprendre ou la remarier, il ne peut pas. Il faut qu'elle se remarie avec un autre homme, qu'il ait consommé le mariage avec cette femme, et que si par la suite cet homme-là la divorce pour une raison quelconque, il la divorce et que lui par la suite son premier mari décide de retourner avec elle, là il peut, mais si elle ne s'est pas remariée avant, il ne peut pas la remarier jusqu'à ce qu'elle se soit remariée avec un autre homme avant et qu'il l'ait divorcée. Oui. Non, ça c'est pas permis, parce que ça c'est ce qu'on appelle nikah tahallul, si je me rappelle bien, et ça fait partie des formes de ruses qui sont pas permises. C'est-à-dire qu'un homme par exemple, il va payer quelqu'un pour faire un faux mariage avec sa femme pour pouvoir se permettre de la reprendre après. Donc ça c'est pas permis, ce genre de mariage là c'est pas permis. Ouais, si elle reste avec le deuxième, elle a le droit de si finalement elle s'entend bien avec lui puis que le mariage va mieux, eh bien dans ce cas-là, elle va rester, donc son mari va pas pouvoir se remarier avec elle. Ça c'est normal. Et des fois c'est ça, c'est que des fois ça la femme elle s'était mariée avec un homme la première fois, quand elle s'est mariée la première fois, elle s'est mariée avec lui, elle a pas eu une bonne expérience ou un bon mariage avec lui parce que il l'a pas bien traité ou bien il lui donnait pas ses droits ou quelque chose comme ça. Ou elle lui donnait pas ses droits parce qu'elle n'était pas à l'aise avec lui ou était pas bien avec lui. Finalement, quand ils se sont divorcés, elle a remarié un autre homme, puis finalement elle a trouvé que elle se sentait mieux avec son nouveau mari. Donc son deuxième mari est mieux avec elle. Donc c'est pour le mieux dans ce cas-là. Non. Donc ça c'est ce qu'on a mentionné par rapport au khul'. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. T'avais une question, Mourad? Vas-y. Comment on peut traduire le khul' en français? Je sais pas. Il y a une traduction de soit de Bulugh al-Maram ou bien de. Regarde le. Est-ce que c'est là ou là-bas? Je pense qu'il est ici. Une traduction en français de Bulugh al-Maram ou. Parce que Bulugh al-Maram, il est dans le même ordre que les livres de Fiqh. Donc il y a tous les mêmes chapitres. Je vais regarder dans la table des matières. Al-Khul', ils l'ont traduit par separating from a wife for a compensation. Donc il n'y a pas de terme équivalent. Non. Donc on s'arrête ici inshallah pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.